Les ailes qui brûlent, mais ma plume reste humide que ce redombe sans lame. J'aiguise mes mots. Yeah. La 10. Money. Jeff. Yeah. Les ailes qui brûlent et ma plume reste humide que ce redombe sans lame. Sans lame. J'aiguise mes mots, tous uniques et pourtant trop semblables. Personne, personne mettra ma prose en cage et je m'en tape de régler mes comptes tous les euros sans tasse. Les ailes qui brûlent et ma plume reste humide que ce redombe sans lame. Sans lame. J'aiguise mes mots, tous uniques et pourtant trop semblables. Personne, personne ne m'arrêtera mais que je m'engage à me forger le mental pour ne pas faire du rap sans ça. À part la crise qui embauche, y'a pas grand chose qu'on nous propose. Donc chaque syllabe fait aussi mal que l'argent gauche de Crocop. J'suis pas venu pour enflouer leur portefeuille en de croco, check, toujours hip hop. Je porte le flambeau de l'autoprod et j'ai chargé plus de 4100 volts d'électrochoc à chaque morceau. Mec, ma plume s'envole et mes pieds restent au sol. J'arrêterai pas même si je fais sauter les portes. Donc vas-y, Mani, exporte les prods que je me téléporte. Vas-y, Selecta, faut pas que tu t'énerves trop. Moi, je suis pas sous Extra, garde tes beats électro. Je gratte à trop vive allure, salut, le chrome il s'allume. Je croirais plus grand monde, la terre entière m'a promis la lune. J'ai grandi dehors, la dalle à vomir la hure. Mais je rappe pas des reportages. Leur game a trop mis la une. MC, Carole Rousseau, cliché et parle vous chauffe. Niquez des salopes sous coke, priez que Skyrock vous sauve. Vas-y, Selecta, le beat doit briser les os. Le nerf, l'indice, c'est l'exhale, c'est pour les privés de réseau. La rime stress, l'auditoire, la tristesse, nos stigmates ne disparaissent pas à coup de hit et d'audimat. Migraine et flow minable, beat merdique et jeu drôle. Click bang, doliprane, j'entends plus que des punch lol. C'est pour les accros, les types sans masque. On fait ça bien, tel un DJ en mix en as. Vas-y maintenant, exporte les prods que je me téléporte. Le nerf, l'indice. Pour les privés de réseau. Dur de déplatérer, le jugement altéré par la terre est bantile. On veut s'aérer, pas galérer, se faire enterrer dans le film. Sans trop de parlotte, je rôlais pendant que ces salopes mordaient. Ceux qui m'ont mis dans le vin ressemblaient à Charlotte Corday. Un petit concert pour décrasser nos lipides. Parfois le passé m'horripile, une phase B. On froissait nos vinyles, mais rien de triomphal. On triomphane, ce bon on nous a pris en fâche. Et si on le dirigeait comme Nassé Orinil. C'est pas des vantardises, les cris que mon ventre traduise. Je suis vieux mais solide comme un 33 lisse. On voit la haine de près. Les silhouettes de l'innocence maintenant s'imprègnent de craie. Y'a le fruit du hasard et un pruneau en pleine tête. Vendre son âme, c'est du deal d'organes. Les cochons guettent, ça me passe au-dessus comme Sean Kemp ou Tim Duncan. Même avec des textes qui tuent, tu rames dans les mains de Bruno. J'ai vu les testicules, tu rames. Un vrai bonhomme sur métronome, moi simple mec de Liège. Depuis l'époque où je traînais dans les bras de Jean-Luc Aubec de Lièvre. Élevé aux côtés des maîtres, du domaine des lettres. Mort, je n'écris plus, donc mes paroles ont pris la peine de naître. Où les éléments s'enchaînent comme dans le tableau de Mendeleïev. Est-il sera ta peau à rock, ces salauds te ramènent de l'aide. Combien se plaignent, combien ferait mieux de la mettre en veilleuse. Enfermée avec maman au fond d'une cellule cancéreuse. Donc viens pas me dire, toi, que ce qui ne me tue pas me rend meilleur. Je pense à l'avenir, en train de pisser le sang pendant des heures à l'épicentre. Et la tristesse à quadriller le secteur, chacun pour soi. Rien que le fait de s'allier fait peur. Les sectaires s'éternisent sur cette terre ternie. Et moi je me demande combien de temps pourrais-je encore tenir. Quoi de mieux à faire que de resserrer les liens étant parti de rien. Et si ça foire aujourd'hui, ben je réessayerai demain. Les ailes qui brûlent et ma plume reste humide que ce redombe sans lame. Sans lame. J'aiguise mes mots tous uniques et pourtant trop semblables. Personne, personne mettra ma prose en cage. Et je m'en tape de régler mes comptes tous les euros sans tasse. Les ailes qui brûlent et ma plume reste humide que ce redombe sans lame. Sans lame. J'aiguise mes mots tous uniques et pourtant trop semblables. Personne, personne ne m'arrêtera mais que je m'engage à me forger le mental pour ne pas faire du rap sans âme.